Toi, tes enfants, là, c'est quoi la date de leur fête? Ils sont nés tous les deux en juin. Ah bon? Pourquoi je pensais que t'avais expulsé dans les temps des fêtes? Je sais pas, parce que j'ai dû en parler pendant 6 mois, surtout de ma fille. Ça a été tellement... C'était comme une comédie burlesque. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Devant la coquette maison en briques rouges, un enfant pressé par le froid croise un vieil homme. « Joyeux Noël, Monsieur Côté! » « Salut, Ticu! » Il ne regarde pas par la fenêtre givrée. Pourtant, à l'intérieur, en équilibre sur un escabeau, Marc accroche une étoile à la cime du sapin. Anne à genoux dépose le petit Jésus dans sa mangeoire. J'ai commencé à avoir des contractions à Saint-Donat, où on avait une maison de campagne. Un samedi soir. T'as accouché à Saint-Jérôme? C'était prévu pour... C'était prévu que j'accouche à Sainte-Justine. À Sainte-Justine. Et évidemment, parce que c'était ma première grossesse et que j'avais peur d'accoucher, j'avais une accompagnante et tout. Alors là, on avait mangé du poulet ce soir-là, puis on était en train d'écouter un film. Puis à un moment donné, je suis tombée à quatre pattes à terre. Je fais, ben voyons, je pense que je fais un empoisonnement au poulet qu'on vient de manger. Et ça faisait tellement mal. Et là, 2 secondes après, fini. Puis aucune douleur. Je fais, ben voyons. Alors là, on recommence le film. Ah, encore une fois, 4 pattes à terre, je vais mourir. Mon Dieu, que ça fait mal, je fais un empoisonnement au poulet, j'en peux plus, je mangerai plus jamais de poulet de ma vie, je vais vomir. Fini. Je fais, mais voyons. Et là, la troisième fois, je fais, hey, là, ça va pas. Non. Alors, on appelle l'accompagnante, et là, je hurle, ça n'arrête pas. Je suis en contraction, là, mais solide, je ne sais pas. Je pense que je suis en train de mourir. Ouais. Et elle m'entend crier, puis elle dit à mon chum, elle fait, ben là, Ça sent un bébé qui s'en vient right now. Alors, elle sait pas qu'on est à la campagne. Elle dit, je vous attends. Dans une demi-heure, je vais être à Sainte-Justine, je vous attends. Il dit, parce qu'on peut pas être là dans une demi-heure, on est à Saint-Donat. Elle fait, pardon? Ben là, vite. Fait que là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était contraction. Je fais, mais je suis pas prêt, dans 3 semaines, je vais mourir. Ah. Bon. Avec cette voix-là, t'avais cette voix-là. Peut-être un petit peu plus violente. Ouais. Ouais. C'est, okay. C'est la version soft que je te fais là. Ouais. Alors, puis on avait un 4x4. Qui dit 4x4 dit boss, hein? Oui. Ça fait des bobom. Surtout que je décide de m'asseoir en arrière parce que je peux pas rester assise. Non, faut que tu normalement. Fait que je suis à 4 pattes sur le siège arrière, sur la banquette arrière. Ah, comme mon chien. J'ai apporté tous les coussins que je pouvais, les oreillers de la maison. Je sais plus comment me placer tellement ça fait mal. Ouais. Et bobom, ben toujours. Oui. Puis à chaque fois que ça fait bobom, je fais « Ah, mon Dieu! » Et là, je perds mes os dans la voiture. Aïe, aïe. Je fais « Mon Dieu! Il fait pipi! Qu'est-ce que c'est? » C'est pas pipi. Et là, quand tu perds tes os, on dirait que ça va encore plus vite. T'étais bien préparée. Ah, c'est comme... Ben oui, j'étais pas préparée du tout. Je voulais pas que ce soit 3 semaines plutôt prévu. Non, je comprends. J'étais vraiment pas prête. Ah, ouais. Alors là, j'ai dit à mon chum, écoute, regarde, j'ai fait mon testament dans le char. Oh. J'ai fait, je sais que je vais mourir. Essayez de sauver l'enfant, c'est ça qui est important. Tu vas être un bon père. Je sais que tu vas être un... Oui. C'était ça. J'étais convaincue que j'allais mourir. Oui. Convaincue. Fait que là, on finit par se rendre à Sainte-Justine. Mais mon chum, à ce moment-là, il était dans son pic des 100 watts. Le club des 100 watts. Oui, il était très, très, très populaire auprès des parents et des petits-enfants. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand on débarque à Sainte-Justine? Bien là, tout le monde voulait vous arrêter. Tout le monde, on est passé par l'urgence. Tout le monde s'est levé, a commencé à courir. Ah, c'est mal cadré, pas déjà! Fait qu'ils sont tous rués dessus. Moi, j'étais devant, je courais comme une poule pas de tête. Et derrière moi, il y avait un infirmier qui voulait me forcer à m'asseoir dans un fauteuil roulant. Puis je voulais pas m'asseoir parce que ça faisait plus mal. Fait que j'étais penchée, j'étais debout, comme vraiment comme ça, pliée en deux à 90 degrés, mais debout. Cours comme une poule, avec un infirmier qui me court après avec un fauteuil roulant et moi qui crie « Non, non, lâchez-moi, ça fait mal! » Ouais. Et mon chum qui court après l'infirmier en lui disant « Laissez-la tranquille, laissez-la tranquille! Ouais. » Et les madames derrière Marc-André disent « Marc-André, je veux une autographe, Marc-André! » Écoute, ça avait l'air un poulailler. Ouais, c'est un fait. Grotesque. Ah, grotesque. Oui, je comprends. Et là, je leur dis que ça me prend une péridurale. Oui. Là, ils disent oui, mais c'est parce que le médecin est occupé en ce moment. Ah oui. Il fait non, mais là, vous êtes sur le point d'accoucher. Vous êtes dilaté à 10 cm. Vous allez accoucher là, vous avez qu'à pousser. Non, je ne sais pas. elle avait mal. Et là, là, je braille. Ça fait tellement mal. Ben, je me voyais bien que j'étais en train de mourir. Ouais. Si mal. J'étais dans un hôpital. Sauvez-moi. Ouais. Et là, finalement, ils ont été chercher un médecin à toute vitesse parce qu'ils ont bien senti que j'allais frapper sur quelqu'un. Ouais. Et... Marc-André, pendant ce temps-là, lui... Je sais plus où il est. Je sais plus. Je vois plus clair. Je vois une infirmière qui veut pas m'entendre. Puis je suis vraiment... C'est Noël, là. Je peux pas dire ce mot-là. Non, mais on voit l'édifice avec le monument. Ah, madness! Oui. Oui, c'est ça. On le voit, là. On le voit. Et on le voit, hein? Oui. Alors, un médecin arrive, un anesthésiste, puis il fait bouillir. Bon, je vais vous calmer, Madame Dorval, ça va bien aller. Il fait bouillir ses instruments? Il fait bouillir? Non, il fait oui. Ah, OK, j'ai compris, bouillir. C'est comme... Il fait bouillir le forceps dans le gros chaudron de mes mères. Bouillir, Madame Dorval, bouillir. Il venait de... Ouais. T'es sénégalais, t'es... Ben, il y a beaucoup de spécialistes sénégalais à Sainte-Justine. Non, moi, il n'était pas sénégalais. Ben, bouillie, Madame Dorval, bouillie. Oui. Alors? Il m'a fait une petite péridurale, mais à moitié. Parce qu'il s'est dit, je vais juste la calmer un petit peu, parce que... Bon. Fait que j'y en donnerai pas trop. Oh. De sorte que elle va... Elle va coopérer. Et là, j'ai commencé à pousser, puis je fais non, non, ça va pas du tout. Ça fait que je pense qu'il m'a redonné quelque chose, et là, ça a comme arrêté le travail. Complètement, je chantais plus rien, pantoute. Rien, rien. Fait qu'il me disait pousser, puis je faisais et je poussais de la face. Je poussais de la face, c'est tout ce qui n'était pas engourdi dans mon corps. Fait que j'ai dit, ben je pousse, mais ils ont dit non, là, pousser du nez, puis de la joue. C'est pas, on vous demande de pousser, mais je dis, je le sens pas. Ben oui, mais c'est ça. Vous le sentez pas. Il y avait une péridurale, t'es trop fort, vous sentez plus rien. Je fais, oui, mais là, qu'est-ce qui va arriver? Alors, j'ai poussé comme j'ai pu, puis je voyais sur un petit un petit écran moniteur, que je poussais. Et puis finalement, ben c'est ça. Ma fille est venue au monde, mais je pense que ça a été dur pour elle. Mais c'est une belle histoire. Ben moi, j'ai pas accouché. Mais... Non. Moi, j'ai pas non. de... Ben non, t'as pas d'utérus. Ton petit garçon, c'était Orient, le premier. Le premier, oui, qui est né assez rapidement. Petit chou, puis tout ça. Puis j'étais tellement fier, puis j'étais tellement content que je me suis dit, je vais faire quelque chose assez vite. Dans ses premières sorties, je dis, je vais aller voir ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère, que j'avais pas vue, moi, depuis une dizaine d'années. Parce que elle faisait un peu de démence, puis elle était en... Elle avait passé... Elle était 98, là, tu sais, dans ce coin-là. C'est ton arrière-grand-mère à toi? Non, c'est ma grand-mère à moi. Puis c'est la... Ah oui. Oui, qui était assez âgée. Mon Dieu, c'est bien des générations, c'est formidable. Mais j'ai dit, je vais aller y montrer, tu sais. Puis là, j'étais tout évidemment, dans un élan poétique, ému, puis tout ça. Puis je suis tout emballé. Puis là, je fais, ah, c'est-tu quand même assez extraordinaire? Puis là, ça me fait... Là, je pense à la vie. Puis là, je pense au temps qui passe. Puis là, je vais à la réception. Puis je dis, Madame Irma Larouche, est-ce que Madame Larouche serait disponible? J'ai pas appelé, mais je suis son petit-fils. Puis je voudrais présenter son arrière-petit-fils. Elle dit, oui, ben oui. Irma va être contente. Elle est dans la pièce principale, là-bas. Là, elle est dans sa chaise roulante. Elle était dans sa chaise roulante, près de la fenêtre. Puis elle regardait dehors. Vraiment comme une scène de film, là. Tu sais, regarde le jardin, puis tout ça. Fait que là, je m'avance, tout bien. Tu sais, tout, là, je suis comme bien ému, puis là, je me penche près d'elle. Puis là, elle lève les yeux vers moi, puis elle me regarde. Est-ce qu'elle te reconnaît? Elle était pas sûre. Je suis pas sûr qu'elle me reconnaisse. Mais je pense, il y a une petite lueur dans ses yeux, puis ça. Puis là, j'ai le bébé dans mes bras, puis je fais, grand-maman Irma. Là, elle me regarde. Je fais, grand-maman Irma, je suis venu vous présenter votre arrière-petit-fils, qui a un mois et demi, et qui s'appelle Orient. Fait que je voulais vous le montrer. Puis là, je tourne l'enfant, tu sais, pour qu'il voit le petit visage, tu sais. Puis là, elle regarde l'enfant, puis elle me regarde. Puis là, elle dit, « Mange la merde! » Fait que là, je fais, « Attends, là, je suis pas sûr que c'est ça que j'ai entendu. C'est pas vrai que c'est ça que j'ai entendu. » Fait que je recommence. Je dis, « Grand-maman, c'est Marc? » Je suis venu vous dire bonjour, puis je voulais vous présenter votre arrière-petit-fils, qui est né il y a un mois et demi, c'est votre arrière-petit-fils. Il s'appelle Orient. Puis là, je rebrandis encore l'enfant. Mange la marde! Deux fois. Là, je fais, j'ai pas fait toute cette route-là pour me faire envoyer chier par ma grand-mère parce que je présente son arrière-petit-fils, Calis. Fait que là, je fais, ça se peut pas. Mais là, la garde, elle entend parce qu'elle est pas loin. Oh. Puis là, elle entend au bureau, elle fait « Madame Larouche, ça, c'est pas gentil, ça. Il est venu de Montréal pour vous montrer son fils. Come on, Madame Larouche. » Elle se retourne vers la garde. « Mange la marde, toi, voyons, ici. » Ah ouais, oui. Ben voyons. Ben oui. Ah, oh, elle était là-dessus. Elle aimait ça dire ça. Ah, elle aimait peut-être beaucoup que ça voulait dire... rien dire pour elle. Ben, je pense que ça voulait dire pas mal, parce qu'elle l'a dit trois fois, puis avec beaucoup de cœur. Fait que là, ils sont venus la chercher avec les deux petites poignées derrière la chaise, puis ils l'ont roulé jusqu'à sa chambre. Ça a été la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère. Ben, ça voyons, a été le plus... tu parles d'une affaire. Ben, oui, non, c'était d'une poésie. Elle n'était plus elle-même, là. Tu vois bien qu'elle n'était plus... Elle n'était plus là. Son esprit avait quitté son corps. Moi, j'ai payé tout... Oui. Les membres de la marde qu'elle a voulu dire à la planète entière. Ouais, oui. C'est un de mes beaux souvenirs des fêtes. Hey, ça commence bien. Hein? Ben, joyeux Noël. C'est sur la pointe des pieds que le voisin Joseph entre dans le salon avec ses amis musiciens. Pour une fois, il apporte quelque chose à boire. Du eggnog. Ah oui, je la reconnais. Quand vous êtes prêts, okay, vous pourriez... J'aime ta grand-mère. Je veux d'un amour qui se passe de commentaires. Je veux refaire le tour en passant par en arrière. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier. Et les mains dans les airs, je ne peux plus me taire. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirai j'aime. J'aime ta grand-mère. Nous partirons ensemble pour le sud en hiver. Nous roulerons comme des flèches dans le désert, les poumons remplis de quelque chose de sincère, et la crème solaire, la fumée, la poussière, le front en sueur dans la chaleur de la lumière, le bruit du moteur et les roues qui lèvent la terre, partout l'odeur de notre bonheur d'être une paire, et au loin des rieurs, le chant des supporters. J'aime, j'aime ta grand-mère. Avantages sans savoir-faire. Je veux la moitié que l'on garde pour le dessert. Je veux la beauté des beautés quand c'est éphémère. Et les mains dans les airs, je chanterai haut et clair. J'aime, j'aime ta grand-mère. Je veux que ma première soit sa dernière. J'aime ta grand-mère. J'aime ta grand-mère. Pauvre-tu. Mange la marde. Oh. Ah, Noël, fête de la nativité. Dans leur confortable sofa, qui ne rappelle en rien la rustique étable de Bethléem, Marc et Anne reçoivent Michel Ouellette pour parler du miracle de la vie. Les sages-femmes, vous faites un métier bien, qui est de plus en plus populaire aussi, je pense. Oui, quand même. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans, là, ça prend... Oui, bien, en fait, on selon les stats, là, ouais, on fait comme autour de 3 % des naissances partout au Québec. Et quand même. Ah, puis, je pensais que c'était plus que en ça. En Estrie, quand, moi? D'où moi je viens, on est à 10 % depuis un certain temps. Mais toi, pourquoi tu voulais devenir sage-femme? Bien, en fait, mes parents sont médecins. OK. Tous les deux. Puis, depuis que je suis très, très jeune, pour moi, l'amour des femmes enceintes, des bébés, c'est extrêmement présent. À la garderie, je me souviens que je jouais à faire des accouchements. Ah, ah ouais. Bon. Puis là, mes parents m'encouragent. C'est un de tes deux parents qui est obstétricien? Non, ils sont généralistes, okay. Tous les deux. Ouais. Puis là, eux autres, ils me disaient, ben, va-t'en en obstétrique, c'est, mm-hmm. ça serait vraiment bien. Puis je me disais, ben, peut-être, mais il me semble que l'obstétrique, ça, c'est quand ça va pas. Tu sais, moi, je veux pas être là quand ça va pas. Moi, je veux être là quand ça va bien. Mais je savais pas c'était quoi une sage-femme. Je savais même pas que ça existait. Puis là, mes parents commençaient à trouver que je me branchais pas. J'avais 17. Hey, ça veut dire, toi, là, que de la garderie jusqu'à l'âge de 18 ans, mettons, là, ouais. Tu ne pensais ben, pas qu'à ah, ça, oui, mais je veux dire, en première année, mon prof d'art plastique me disait, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je dis, moi, je veux des bébés. Il était comme, t'as pas compris la question. Je dis, non, je veux faire dans la vie, tu sais. Ah, mon puis, Dieu, c'était vraiment formidable. Une passion, là. Puis là, finalement, j'ai rencontré une troisième orienteur qui m'a dit, finalement, mais là, sage-femme, il me semble que, selon ce que tu m'expliques, ça cadrerait. Je suis comme, qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, elle m'a expliqué un peu ce que faisait une sage-femme, puis j'ai fait, hey! Si j'avais pu me faire une job sur mesure, ça aurait été ça. Ça aurait été ça. Fait que je me suis inscrite au bac en sortant du cégep. J'avais zéro expérience autre qu'un bac en, un DEC en sciences humaines. Sciences nature, je veux dire, avec ma chimie, ma bio, puis tout ça, là. Puis ils m'ont pris. C'est quoi la situation, là? C'est juste pour l'anecdote, là. L'accouchement le plus incroyable que t'as ouais. fait. C'est en lui. Lieu, en circonstance. Oui, bien, ou... c'était celui qui a eu lieu sur l'autoroute 10. Ah, sur la. Celui qu'on appelle non. le fameux. Oui, un petit bébé qui est né très, très, très rapidement, là. Puis c'était une de mes clientes dont j'avais été. Elle n'était pas en train de conduire quand même? Non, il y avait c'était son chum qui l'a amenée. Oh, elle était en travail depuis très peu de temps, là. Dans le fond, c'était son deuxième accouchement. J'étais là comme sage-femme à son premier bébé. Fait puis que elle avait accouché très, très vite aussi non, à son premier? Non, elle avait accouché de façon très normale pour un premier, là. Rien de. C'est quoi normal? Ben, 24 heures de travail. Quelque part entre 8 oui. et 24, là. Ah, oui, c'est ça. C'est terrible. Ah oui, c'est long, hein. Ça peut être très long, mais elle, c'était plus un sens équivalent d'un peut-être 10 heures ou quelque okay. chose comme ça. Puis finalement, on s'était parlé dans la journée. Moi, je me rappelle, c'était un mercredi. Puis le mercredi, à la maison de naissance, c'est plein de monde parce qu'on a nos réunions d'équipe le matin. Okay. Puis je donnais un atelier là, de groupe dans l'après-midi. Puis elle m'avait appelé en me disant, « Je suis en train de me friser les cheveux. J'ai quelques contractions. Je suis pas encore sûre que c'est ça, mais d'après moi, ça va être aujourd'hui. » Parfait, je raccroche. Son chum me rappelle, « C'est vraiment intense. On est dans l'auto, on s'en vient. Hey boy. Parfait, je prépare la chambre. » Ça, c'était combien de temps après? Une demi-heure, 40 minutes. Oh, mon eux Dieu, partaient j'ai de Magog. Ah, fait que oui. Magog, à la maison de naissance, c'est 25 minutes gros max. Puis là, finalement, je suis en train de donner mon atelier prénatal. Puis il me rappelle en me disant, « On est dans l'auto, elle vient de rompre. » Puis normalement, on sait que la rupture spontanée des membranes, quand c'est pas un professionnel de la santé qui intervient, se fait généralement à 9 cm, 10 okay, cm ou à la poussée. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, bon, elle va accoucher. Et de fait, j'entends dans le téléphone la contraction suivante qu'elle pousse. Fait que je dis, ben, stationne-toi. Fait que j'ai agrippé deux sages-femmes. On est partis en auto. On a roulé sur l'autoroute 10 en fou. On a fait un U-turn, puis on est allé les retrouver, puis le bébé était né. En fait, moi, je suis restée au téléphone avec eux tout le long. Pour m'assurer que ça se passait bien. Ouais. Fait que là, j'entendais finalement, là, OK, on voit les cheveux. OK, la tête est née. J'ai dit, OK, là, tu vas mettre tes mains comme ça. OK, bon, finalement, la femme a tout fait tout seul. Hein. C'est souvent ça, les femmes, ils accouchent. Ben, il y a tout seul. Son chum a fait quelque chose aussi. Il ne voulait plus. Là, ils sont quand même arrêtés sur le bord de la route. Tout le monde a félicité lui après. Ben oui, comme, c'est ça. Ben, chose, oui, je j'ai accouché toute seule dans l'auto. Dans puis tout le monde félicite oui. mon chum d'avoir été tellement hot d'accueillir le oui. bébé. Elle a pas pu. Elle pousse puis elle prend la tête de son bébé en même temps. Son chum est débarqué. Il est allé ouvrir la porte. Les autos continuent à rouler l'autre bord. C'était fait bien discrètement. Finalement, le bébé est né. Nous, on est arrivés. Le placenta n'était pas né. L'accouchement s'est complété avec la sortie du placenta rendu à la maison de naissance. Ah, ben ça, c'est mieux, parce que si tu veux le faire cuire, c'est tout de suite. Oui, c'est ça. Oh, pour ceux qui aiment manger. C'est vrai, ouais. Les gens mangent ça pour vrai? Oui, c'est vrai, mais je peux pas te dire que c'est répandu. Non. C'est une pratique déjà assez marginale. Tu as déjà goûté au placenta? Non. Moi, dans la vie, je mange pas d'abat. De quelque sorte. Le placenta étant pour moi un filtre. Et ouais, nous qui sommes un petit peu à la tête de la chaîne alimentaire, je me dis, bon, je sais pas. Ça ouais, c'est moi, ça me tente pas, mais j'ai des clientes qui l'ont fait puis qui ont vu une différence phénoménale dans leur postnatal par rapport à un accouchement où elle l'avait pas fait, puis un accouchement où elle l'avait fait. Moins de blues, plus de lait, meilleure énergie, tout ça. Fait que je peux pas juste. Mais ça goûte quoi, ils font ça avec du sel, du poivre? Wow, c'est variable, hein? Il y a plusieurs façons, là. Il y a des façons de le manger cru. Les femmes vont vraiment comme. Mais voyons, de manger cru, un tartare de placenta. Oui, c'est très, c'est super. La plupart des femmes le mettent en smoothie. Michelin. En smoothie. Ouais, il en découpe un petit cotylédon qui ont auparavant gelé. Mm-hmm. Puis après ça, il passe au blender avec des fruits. Puis ça goûte rien d'autre qu'un smoothie, finalement. Moi, je connais quelqu'un qui a mangé le placenta de sa fille. Oui, moi, j'ai une famille, c'était ça. Il avait fait un gros placenta bourguignon parce qu'apparemment, c'était la façon la plus délicieuse de le manger. C'est extraordinaire. Ben oui, c'est extraordinaire. Toute la famille, des champignons de Paris, mère, les frères et sœurs, les bébés, tout le monde. Avec des lardons. Oui, oui. Oui, placenta bourguignon, je peux pas le croire. Ricardo fait une très belle recette de placenta bourguignon. Sans doute sens. Oui, puis il y en a qui le vraiment généreux. Tu partages ton placenta avec toute la famille. C'est merveilleux comme geste, là. C'est Noël. C'est Noël devant rien. Regarde, ça me donne une idée pour ce soir. Mais là, on accouche encore dans... Moi, les enfants qui naissent dans l'eau, mm-hmm. t'en fais ça, des naissances? Oui, beaucoup. Oui. OK. Ça me fascine. Quand j'étais adolescente, on avait un professeur chez les Ursulines et elle nous parlait de la méthode... Je pense que c'était des cours de sexualité, en tout cas. Puis un cours, c'était l'accouchement. Puis elle parlait de la méthode Le Boyer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est lui qui a commencé ça. La naissance dans l'eau. Naissance sans violence. Sous l'eau. Puis elle nous avait montré un film. Puis tu voyais des bébés dans une baignoire. Avec l'eau qui était à la température du corps. Et les bébés... Nirvana, là. Ils sont sous l'eau, c'est calme, et ils arrivent à la surface de l'eau, puis là, ils entendent des sons, mais tout est calme, la lumière est amusée, ils pleurent pas à la naissance. C'est la première fois que je voyais ça, je fais, mais voyons, ça peut être ça, un bébé qui ne pleure pas en venant au monde. Faut dire que c'est pas tous les bébés qui vont naître dans l'eau qui ne pleureront pas. Il y en a qui vont quand même être vraiment fâchés de tout ça, puis c'est parfait. On aime ça quand ils arrivent rapidement, mais il y en a aussi beaucoup qui ont... Excuse-moi. Non. Ils pleurent parce qu'ils sont fâchés. Non, mais je dis fâchés. Mais je trouve ça cute comment tu l'as sorti. J'imagine que... Pas fâchés. Ça doit être souffrant pour un bébé de venir au monde, là. Ouais, puis quand on pense à toutes les transitions qui vont s'opérer dans la minute qui va suivre leur naissance, c'est terrible. Puis ils ont eu, eux autres, juste avant l'expulsion, un gros rush d'adrénaline maternelle pour justement comprendre que là, il n'y a plus des endorphines, le fun de l'accouchement, il va falloir qu'il fasse sa transition, il va falloir qu'il respire de lui-même. Puis la première inspiration doit être intense parce qu'on sait que les alvéoles du bébé dans le ventre de la mère sont complètement remplies de liquide. Puis il y a comme 10 à 15 % de la circulation fœtale qui va au poumon. Le reste est tout dévié parce que c'est pas les poumons du bébé qui l'oxygène, c'est le placenta. Fait qu'on le sait que dans la première minute où il y a des jeux de pression qui vont s'établir pour justement dire baisser les pressions artérielles et veineuses d'oxygène pour faire OK, là, c'est le temps de prendre ton premier respire. Ben ce premier respire-là, souvent, il est un petit peu... il a l'air intense pour certains bébés, en tout cas pour plusieurs bébés. Mais les naissances dans l'eau, c'est vrai que ça fait une transition beaucoup plus douce. Il y a eu un gros changement, une grosse évolution qui s'est passée dans l'esprit de... La confiance, en fait, qu'on accorde aux sages-femmes depuis 15-20 ans, mettons, c'est comme c'est au point où, avant, c'était plus les filles peut-être considérées comme de l'extérieur, à tort ou à raison, les plus marginales, les plus audacieuses. Mais là, c'est plus ça, là. C'est plus la clientèle. Non. Mais il y en a encore. Moi, j'ai entendu parler d'accouchement dans des rivières, dans des ruisseaux, des tout affaires. Tout à fait. Là, c'est pas ça. Mais là, on veut se mettre dans le pétrin, là. On fait-tu exprès? Est-ce que vous allez encourager ça? Moi, si je viens vous voir, puis oui, j'aimerais ça. Accoucher dans ma forêt, là, dans le fond du bois à Saint-Clin. Puis j'ai un petit ruisseau, je vais accoucher là. Ben là, on va avoir une conversation de est-ce que tu comprends bien les risques qui peuvent arriver? Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que autant que la digestion, l'accouchement, c'est aussi un processus physiologique. Puis culturellement, ça, on l'a vraiment perdu. Ça a été complètement oblitéré par la structure médicale qui fait que c'est toujours un médecin qui sait mieux que toi, qui peut te dire si c'est bon ou si c'est pas bon, puis qui a toujours un contrôle sur ton corps. Alors qu'on sait qu'une femme, on est faite pour accoucher. Oui, il arrive des affaires, mais c'est très rare que ça dérape à ce point-là. Ça peut, mais la plupart du temps, quand on a un bon screening, le dépistage du début, on a des femmes en santé, un corps en santé, puis un bébé qui va être en santé, puis l'accouchement se passe bien. Ça se passe bien, un accouchement, la plupart du temps. Ouais. Parce qu'on est loin de Londres et que les Christmas carols se font plutôt rares à Montréal, Anne et Marc ont fait appel au service du professeur de chant, Catherine Gadois. Hey, merci d'être là, Catherine. Ben, ça me fait plaisir. Parce que c'était mon rêve, moi, de... Parce que cette chanson de Sting que tu connaissais pas, Marc. Ben, et toi non plus. Moi non plus, je la connaissais pas. Je n'en reviens pas. Ben, et oui. Moi, j'ai écouté ça parce qu'il avait sorti ça il y a très, très longtemps. Temps après son album, Dream of the Blue Turtle. Le rêve des tortues bleues. Et c'était juste avant Noël, puis c'était un single, puis je l'avais acheté parce que je l'aimais trop. Et j'écoutais ça en boucle. Oui. Et c'est comme une chanson traditionnelle basque. De la Basquie. Puis là, j'ai dit, oh, on pourrait-tu chanter ça à Noël demain? Puis je pensais que c'était facile, facile. Hey. Et là, c'est simple. Ben non! The angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes as flame. All hail, said he, the lowly maiden Mary, most highly favored lady, Gloria. For now a blessed mother thou shalt be. Generations loud and honor thee. Thy son shall be Emmanuel by seas foretold. Most highly favored lady, Gloria. Then gentle Mary meekly bowed. My soul shall loud and magnify his holy name, most highly favored lady, Gloria. Of her Emmanuel the Christ was born, in Bethlehem all on a Christmas morn. Dans les verres de cristal hérités de sa grand-mère, Anne verse un chablis bien frais. Marc revient au salon avec une pile de cassettes VHS poussiéreuses. Hey! On joue-tu à... Devine, c'est quoi qu'il y avait sur ma cassette? Ça te tente-tu? Hey! Grand des plaisirs. OK. Je devine ce qu'il y avait sur ta cassette. Oui. Okay. Puis je gardais des jingles, je gardais des thèmes d'émissions que j'aimais beaucoup. Ah oui, des émissions et des jingles de publicité. De pub, là, okay, mettons, okay. Le petit qui me rentrait dans la tête, je suis pas capable d'oublier, pour les exorciser ou pour vraiment arriver à... Ah oui, comme ça devient des vers d'oreille, là. T'es chantonne. Oui, c'est ça qui est fatigant. Mais tu vas les reconnaître. Jingle. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Ben voyons donc, que, as-tu fait ton ménage que de bureau? Oui, que je retiens depuis... Non, j'ai pas fait le ménage de mon bureau, mais des airs de jingle que je retiens depuis que je suis enfant. Ça m'a jamais quitté. Oui, c'est ça. Et c'était des très, très mauvaises publicités, là. Ah oui, très laid, c'est des jingles très mauvais, ben, des paroles insipides, de stupidité, de manque d'intelligence, tout ça réuni, ouais, puis je les ai retenus. Ben oui, c'est ça qu'on retient. Ben oui, c'est ça. Non, on est fait pour la bêtise, tu sais. On est pour être bête, c'est facile d'être niaiseux. Ben, chante-moi celle qu'il y avait sur ta cassette. Okay. Ben, non, mais... Je me souviens de... Tu vas la reconnaître tout de suite. Attends, dis-moi donc. Paranda, paranda, paridadidada, paridadidada, mamama, paridadidada, paradida, paradidada. Paradidada, paradidada, je ne reconnais pas. Paradidada. Hey, c'est plus facile de ma cassette. Hey, Tu vas avoir de la misère. Non, tu vas en trouver d'autres. Attends, dis-moi. Je te donne un indice. Oui, donne-moi un indice. Ça se mange. Paradida. Oui, du fromage rouge que tu déchires dans le milieu. J'ai jamais compris pourquoi il y a trois chandelles autour de ce fromage-là qu'il faut que t'enlèves. Je mangerais tout rond. Oui. Oh mon Dieu, que c'est mauvais. Oui. Hey, j'aurais dû la reconnaître. Je me souviens très bien de cette pub. Non, mais regarde, peut-être que t'étais pas une mangeuse de fromage, non. OK, je t'en pars une, OK? Ah ouais, vas-y. La la la la la la. Quand tu prends du bois, là. La la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la. OK, la fin. Ben hey, ça s'adresse aux femmes. Wonder Bra. Oui, ah ouais, exactement. Yeah, OK, oui. Ouais, c'est ça. Vous Wonder Bra. Vous êtes bien dans votre peau. Ravissante. Wonder Bra. Puis là, t'avais une espèce de pseudo-mannequin des années 70 qui défilait dans un corridor d'hôpital de marde. C'était Aline Desjardins. Puis, non, mais elle était jolie. Elle était super mais là, il y avait un gars qui se fait passer pour un photographe. Il est tout seul dans l'allée. C'est comme si c'était un gros fashion show. Puis il se lève, puis il regarde. Mais il regarde parce qu'elle est en l'applaudit. Évidemment. C'est une voiture, c'est une pub de char, ça? Non, ça se met dans la gueule. Juicy Fruit! La gomme, c'est quoi? Juicy Fruit. La gomme renversante. Juicy Fruit. Ah oui. Mâchez-la. Humez-la. Mettez-la dans la gueule. Juicy Fruit. La gomme renversante. Ah oui. Ah oui, je me souviens. Attends, j'en ai une. Alors, je vais regarder. Oh oui, une. Je te l'ai déjà chantée. Ah. Les paroles sont vraiment niaiseuses. La la la, la la la, la la la, la la la la. C'est pas si niaiseux, dans le fond. Mais je sais, c'est... C'est la Plaza Côte-des-Neiges. Oui! On m'appelle la Plaza Côte-des-Neiges, mon ami. C'est magnifique. C'est un centre d'achat qui se fait passer pour un être humain. Oui. Puis qu'il y a des amis. Qui te prend pour son ami. Oui, c'est ça surtout. On m'appelle la Plaza Côte-des-Neiges, mon ami. Voyons. Le centre d'achat qui te prend pour acquis. Tu es sonné. Non, oui, c'est ça. Pour qui me prenez-vous? Oui. Appelle-moi pas mon ami, t'es un centre d'achat. Mais les grosses agences de pub, ils en fumaient du bon 70, là. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam avec Jean-Claude Drouot. Oui, oh, je l'aimais tellement. Jean-Claude Drouot, qui était à la Comédie Française, lui. Oui, je me souviens. Ah oui, avec sa grande épée. Ouais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ah oui. Dans les années 70, je dirais. Hey, c'est quoi ça? Pendant le temps des fêtes. Une pub télé. Pour un jouet? Là, oui. Attends une minute, oui, ça me dit quelque chose. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est une poupée, ça? C'est une poupée Tombolina. Oui, c'est ça, c'est Tombolina. Puis elle pleurait. Je sais. Puis moi, je rêvais d'en avoir une. Ben oui, parce qu'elle pleurait. Mais j'en ai une autre, mais elle pissait pas aussi bien. Mais elle pleurait. Mais au bout de 6 mois, elle marchait plus. C'est ça. Ben, il y a souvent des imitations. C'est un succès d'année de la Tombolina. Oui. Si le 25 décembre fait spontanément penser à la féerie et au sacré, Anne et Marc n'oublient pas pour autant les Noëls coquins. Clin d'œil à la chanteuse Barbara. C'était 22 heures à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, ils s'en allaient chez Madeleine, près du pont de l'Alma. Elle aurait eu tant de peine qui ne viennent pas fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents. À pied, il longeait la Seine, tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime, marchant d'un pas lent. À pied, elle longeait la Seine, tout en chantonnant. Puisqu'elle a chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. Oh, voilà que sur le pont, ils se rencontrèrent. Ces deux-là qui s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des botteuses aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça. Sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa, heureuse elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr il y eut des scènes, près du pont de l'Alma. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire, à ces amants-là? Eux qui avaient eu un Noël, comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël. Pendant que les cretons attendent patiemment au frigo, les petits roulés au bacon de Tante Claire et la tourtière dorment au four. Le ragoût de pâte embaume dans toute la maison. Comme le dit le vieil adage, dans le cochon, tout est bon. En ce temps de recueillement, c'est avec Sophie que Marc et Anne s'interrogent sur les mystères de l'essence porcine. Bonjour Sophie. Hey, bonjour Sophie. Bonjour. C'est formidable parce qu'on se connaît pas. Non, mais on est tellement heureux que tu sois là. Parce que tu as déjà fait un emploi qui est très, très mystérieux pour nous. Oui. Ça fait longtemps que j'entends parler de ce travail-là. Mm-hmm. C'est un métier que tu as pratiqué il y a longtemps. Dans une ancienne vie, en sortant de l'université. Okay. Oui, j'ai été récolteuse de semences de porc. Ouais. Ça veut dire crosseuse de cochon, mettons. Ben oui. Bon, on peut dire ça, là, de masturbatrice de oui, porcelaine. De façon familière. Oui, oui, c'est ça que ça veut dire. Le gros monsieur, ouais, c'est ça. C'est ça, le gros verra. Le gros verra. Le gros verra. Ben oui. Ben c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, oui, oui, c'est bien le gros verra. Il y a même une vieille expression du 18e siècle, as-tu crossé le verra? Qui voulait dire, en fait, as-tu déménagé? Oh oui. C'était comme un changement de quartier. Quand on disait, je change de verra ou je crosse le verra, ça veut dire que j'amène mes, j'emporte mes meubles ailleurs. Mais là n'est pas le propos de notre... Mais pourquoi est-ce que tu avais peur? Parce que là, c'était une job en attendant d'avoir une vraie job. C'était une job d'étudiante. Non, c'était mon travail. Quoi? J'ai une formation en biologie, en sciences biologiques. Okay. En sortant de l'université, je cherchais un travail qui était avec les animaux autant que possible parce que j'étais spécialisée en physiologie animale. Mais quand j'ai commencé, on avait quelques verras à la ferme qu'on récoltait pour inséminer nos propres truies. On avait 300 truies, à peu près 350 truies. Donc, on récoltait nos propres verras pour ça. Et après, on a parti à un centre d'insémination là, où le travail toute la journée était vraiment de récolter les verras toute la journée. Ah oui, OK. Alors, ça se faisait comme ça à la chaîne? Vous récoltiez? Oui. Quand tu as juste... au début, quand tu as le verra seulement... Quand tu récoltes seulement pour tes propres animaux, ben, tu en fais un par jour. Parce que, écoute, tu as la semence. On peut facilement inséminer une vingtaine de truies avec une récolte. Un verra peut fournir 20... Dépendant, là. Dépendant des verras, il y en a que la concentration, il faut qu'une bonne concentration en spermatozoïdes. Mm-hmm. Bon, comment on fait ça? Oui, c'est ça. Bon, parce que là, c'est gros. Ouais. Êtes-vous deux au départ? Y en a-tu un qui le tient, qui le met sur ses foufouines, puis qui le tient, qui bouge? Non, non. Il y a la façon qui est vraiment la façon de... Classique, t'es pas dans un centre, là, tu fais ça dans ta ferme, donc t'as les moyens du bord. Okay. Donc, ce que ça prend un mannequin. Un mannequin qui est un banc... Un mannequin cochon? Qui est un banc en pente avec deux appuis de chaque côté du banc ou qui ressemble à des... qui fait comme les pattes de la cochonne, là. Ah, oui. OK? Donc, ça mime comme une truie. Donc, le mâle, on le pousse et il grimpe sur ce mannequin. C'est en métal. Oui, non, mais je veux dire, c'est le principe. Puis il prend le métal pour une truie. Et lui, il regarde pas, là. Il veut juste... C'est ça. On le stimule souvent, ce qu'on va faire. On va le stimuler un peu à le promener autour de jeunes truies qui sont en chaleur pour le stimuler. Là, après ça, on l'amène près du banc. Et le fait que dès qu'il va se retrouver en position, là, sur ses deux pattes arrière avec les pattes placées comme s'il était sur une truie. Je pense que physiologiquement, le cerveau fait en sorte qu'il comprend assez rapidement qu'il est en position pour avoir une relation sexuelle. Okay. Ce qu'il faut visualiser, ça, c'est que le banc est situé souvent dans un endroit restreint pour que le mâle ne puisse pas tomber d'un côté ou de l'autre. Oui. J'ai vu un rhinocéros tomber sur le côté, moi, pendant l'orgasme. C'est spectaculaire. Oui, mais j'ai pas le goût que ça m'arrive. C'est ça. Mais vous êtes derrière, là? Non, vous êtes devant. En petit bonhomme à côté. En petit bonhomme. Oui, c'est pour ça que souvent, dans le mur, il y a un espace ouvert à la base. Okay. Donc, pour pouvoir avoir accès au-dessous du cochon. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on est en petit bonhomme à ce lieu-là, avec dans les mains un bécher, avec un filtre sur le dessus. Mm-hmm. Et le premier geste à faire, c'est de vider le fourreau. Comme on dit, vider le fourreau. Une autre expression du 19e siècle. C'est quoi le fourreau? C'est la grosse chenolle? C'est un massage de bourse? Non, c'est la partie du corps du cochon qui est où la bisoune, comme tu l'appelles si bien, est rentrée à l'intérieur. Donc, c'est comme une petite poche. Puis là-dedans, il y a du pipi, puis un petit peu de tout. Ah, voyons, ça m'écœure Mais là, vous avez des gros gants de caoutchouc. Des petits gants latex. Oh. Donc, il faut vider cette poche-là de liquide qui est dedans. Je te dirais que c'est la partie la plus... Désagréable avec l'odeur. C'est pas agréable. Oui, c'est ça. Ça vient avec une odeur. Oui, ça vient avec une petite odeur. Ouais. qui peut, si t'as pas de gants, imprégner les mains pour une certaine période. Fait que là, pour en revenir... Pour en revenir au verre. Y a-tu une bisoune normale? C'est-tu frisé comme ça queue? Normal. Quand on parle de la queue tire-bouchonnée du cochon, habituellement, c'est pas la queue qu'il y a au bout. Non. C'est vraiment la verge, la bisoune, qui a une vrille au bout. Ben voyons. Il y a une vrille d'à peu près un tour et demi, là, je dirais, à peu près, qu'il y a au bout. Comme un vilebrequin. C'est, ouais, mais ah, juste, mais un, juste un petit... comme un fil... Un fil qui déborde le vêtement. C'est à peu près gros comme mon petit doigt. Mm-hmm. À peu près. La vrille, pas la... La verge, là, est c'est à gros peu près comme mon petit doigt, puis ça mesure à peu près quoi, 12-15 pouces? Ah! À peu près. Ben oui, normal, là. Mais ça n'a aucun average. Sens. Mais c'est pour ça qu'ils ont la misère avec... C'est gros, puis c'est ça, c'est bizarre. Oui, c'est comme un petit, c'est difficile, spaghetti. Là. Tu peux comprendre comment ça peut être difficile pour un cochon de s'orienter avec ça, là, parce que ça tient pas, puis c'est petit, fait que... Mais quand il est excité, ça doit tenir tout seul, mais c'est sûr. Ça sort. Quand il commence à être excité, là, ça sort d'un fourreau. Coup. Okay. OK. Puis là, à ce moment-là, ça va rentrer, sortir du fourreau. Ouais. Comment ça, ça sort? Parce que lui, il essaie de s'enligner là, physiologiquement. Là. Fait que, il essaie de s'enligner. Parce que dans la vraie vie, là, il serait collé sur la truie. Ben oui, c'est vrai. Donc, mais là, il sort, puis comme il n'y a pas de truie en dessous, il est dans le vide. Là. C'est ça. Ah, oui. Fait que là, mon travail à moi, c'est de m'assurer qu'il pense qu'il est dans la truie. Mm-hmm. À chaque fois que la vraie rentre dans le fourreau, elle se lubrifie. Donc, à chaque fois qu'il rentre puis qu'il ressort, c'est de plus en plus difficile. Ah, donc, oui, parce que ça glisse trop, ça glisse ça fuit de plus du en gant. Plus. Ah, puis là, le gant, il glisse, il glisse sur la verge, fait que c'est de plus en plus difficile. Donc, dès que ça sort, tu essaies de l'attraper. Ouais. Et là, quand tu l'as attrapé, il faut tirer dessus sans tirer dessus. Donc, il faut mettre une certaine pression, qu'il ait l'impression qu'il est rentré dans la truie, mais il ne faut pas que ça lui fasse mal, sinon il peut te donner un coup de patte aussi. Oui, c'est une des choses, parce que les pattes en arrière peuvent venir facilement chercher ton bras s'ils sont pas contents. Oh. Ah oui. Donc, les faut premières lui faire fois... plaisir. Oui. Ah ben oui. Oui, parce que ça, c'est une des pressions qu'on a tout le temps quand tu commences. C'est toujours... Ils disent va pas scraper un mâle. Fait que, parce que la fois d'après, le mâle, il veut pas y aller. Plus. Mais tu te souviens de ta première fois, j'imagine? On se souvient tous. Oui, ça a été un peu l'enfer, ma première fois. Ah oui? La première fois, hyper nerveuse, parce que là, il faut que je l'attrape, il ne faut pas que ça rentre, il ne faut pas que ça glisse, il ne faut pas que je tire trop fort, il faut que je mette assez de pression. Ça ressemble presque à Dirty Dancing, tu sais, quand tu apprends la chorégraphie. Mais c'est ça. Il faut que j'apprenne tout ça. Ben oui, je comprends. Et là, je suis à genoux, bien placée. Ouais, comme... Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je l'attrape. Okay. Et là, ça va bien. Ouais. Ça va le bien. Longe. On appelle ça le longer. Le longer. Mais juste la partie vrillée. J'ai mes doigts dans la partie vrillée, mais j'allonge la verge pour qu'elle soit à sa pleine longueur. 12 pouces. Puis il sent qu'il est dans la truie. Ça ne tire pas, puis il chiole pas. Puis il te regarde avec reconnaissance. Il ne regarde pas parce qu'il regarde le mur. Ah, il regarde en avant. Il y en a qui grognent un peu. Il y en a d'autres qui font de la boue à la bouche. Ils sont contents. Ils sont contents. Fait que là, je suis installée. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ça commence à sortir, ça sort pas liquide. Ah. Ça sort comme une texture de tapioca. Attends, on peut toujours être ça. Avec ce bruit-là. Oui, parce que c'est dans le gant, là, ça vient... C'est beau, c'est la nature, Anne, mais c'est magnifique. Ah, oui. Donc là, le tapioca, il rentre dans les mains. Mm-hmm. Et on m'avait expliqué que des fois, ça vient boucher le petit trou au bout. Ah ben oui. Le petit trou du cochon. Le petit trou de la verge, là. Parce donc, il faut dégager le tapioca. Et là, j'essaie avec mon pouce de dégager le tapioca. Ben oui. Et je suis pas capable. Donc, je me penche un peu. Et le mouton de tapioca est parti. Il est venu se loger exactement entre les deux yeux, à la base du nez. Et là, c'est extraordinaire. Non. Un comme shot de verre. Ouais. Ben, voyons donc. Je peux pas lâcher. Je peux pas lâcher parce que là, ben le verre. Ben, voyons, il n'y a pas personne pour t'aider. J'ai l'autre. Oui. Mais ils sont couchés à terre, puis ils rient. Ben oui, pauvre toi. Ça dure à peu près 10-15 minutes. 10-15 minutes? Il expulse pendant 15 minutes? Oui. Non. Parce que voyons, oui. Les verres, il y a une partie de temps où il sort plus liquide, où il y a moins de spermatozoïdes, c'est moins concentré. Après ça, le tapioca dans le tapis. Après ça, tu as la portion concentrée, puis une autre portion liquide. Moi, où je travaillais, on ramassait les trois. Tout d'un coup. Tout d'un coup, donc, dans le même... Dans le même bécher. Puis mais ça donnait de combi, ça? Mais nous autres, c'était un thermos. C'était un thermos qu'on avait. Puis la plupart, ça tourne autour de 350 millilitres, 400 millilitres. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu jusqu'à un litre. Là, ça, c'est longtemps. Donc... lui, alors il vient, il est content. Il est-tu heureux? Oui, il est content. Puis, on a, dans les centres où il y a 40, 50 mâles, il y a moins de contact avec les mâles où on les connaît de façon individuelle. Mais dans cet endroit-là où on en avait 9, c'est clair que je les connaissais bien. Puis chacun avait son petite affaire qu'il aimait bien. On avait un qui aimait faire tripoter les testicules pendant qu'on récoltait. On avait un autre qui aimait se faire gratter le dos. Il y en avait un autre. C'est extraordinaire. On les connaissait tous. On c'est le moment le plus... Faire. Parce que le but, c'est de ramasser le plus de semences possible. Ben oui, il faut on n'y pas, tu fais semblant de l'aimer puis de lui faire son... Mais comment tu les aimes? Vous les aimez, oui. Mais comment tu sais qui gratter le dos, c'était son affaire? Parce qu'à un moment donné, t'es à côté, puis tu grattes, puis tu... Par hasard, il est donc content. Celui avec les testicules, je ne pourrais pas te dire d'où c'est venu. Quand j'ai commencé, on m'a dit qu'il faut faire ça. On le faisait. Là, je ne sais pas comment ils ont découvert. Oui, c'est ça. Il y a toujours bien un premier crosseur qui a dit « Je vais essayer ça. » C'était peut-être un des premiers. Peut-être. C'était peut-être des Vikings qui ont commencé à crosser. Puis les cochons, est-ce qu'ils réagissaient plus quand c'était toi qu'un gars? Il était dessus. Il y avait peut-être des cochons gays aussi. Non, je pense qu'ils font pas la différence. C'est une main de fille. Ils sont à toutes. La chenolle. Tu vas avoir des belles images, moi, au réveillon. Oh, oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci. C'est vraiment formidable. Merci. Sois heureuse. Joyeuse fête à vous. Joyeuse fête. Merci beaucoup. Merci. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël rock. Un Noël jeune et un Noël gay. La neige et Jean frappe à toutes les portes. Très tôt, les cœurs se sont vite éveillés. Wow! C'est Noël, Noël, yeah. Ben oui. Un Noël fête et un Noël blanc. Dans ces balles qui font des Noëls tout blancs. Le plus beau des temps. Personne n'est triste, tout le monde chante. Que la vie nous enchante. Bonne Noël, joyeux Noël. Soyez heureux et vive le yeah. Allez debout, c'est le temps de Noël. Temps de rire et chanter. Laissez là tous vos ennuis. C'est Noël, vive Noël. Tout le monde chante, que la vie nous enchante. Oui, c'est Noël, joyeux Noël. Soyez heureux et vive le yéyé. Allez debout, c'est le temps de Noël. Temps de rire et chanter. Laissez là tous vos ennuis. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, vive Noël. C'est rock, hein? Noël rock, ça le dit. Sais-tu? Non, mais pour vrai, là, vraiment, là, que ce Noël-là et que les jours qui suivent pour toute l'année te soient les plus merveilleux. Puis, comme que tu que t'aies tellement de surprises dans ton année, là, heureuse, là, qu'elle passe comme un pet de sœur. C'est bien dit. Je te souhaite la même chose, mon petit Marc. Je te souhaite... Je sais que t'es heureux. Ça paraît dans tout ton être que t'es heureux. Mais je te souhaite que ça dure toute la vie. Ça n'arrête jamais.